Oui. Il y était allé pour lui faire mal. Oui. Il y était allé pour lui faire mal. Et il l'a vu. Heureusement que. Ah, ça, il est pas content, hein. Come on.